Cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dans le dors précédent, walillahi alhamd, on a lu ensemble la première partie de ce chapitre, al-akhbar. Et fi hada ad-dars, on essaye de finir. Wa billahi at-tawfiq. Qala rahimahullah aqsam al-khabar bi'i'tibar ma yudaf ilayh. قال ينقسم الخبر باعتبار ما يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام. أي qui sait qui va nous informer. L'information, la boud, elle vient d'une personne. Si c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فالخبر il est مرفوع. Si c'est un compagnon رضي الله عنهم أجمعين, فالخبر il est موقوف. Et si c'est la génération après les compagnons, c'est من باب المقطوع. Et comme nous l'avons dit, c'est min bab al mustalah, mustalah al hadith. Mais il y a un lien entre le mustalah et l'usul. Par exemple, dans le bab al akhbar. Alors, on lit, il y a un Cheikh Ibn Uthaymin, il l'a cité, et alhamdulillah, il l'a simplifié. Et ces points, en fait, ils sont détaillés dans le kutub al mustalah. Et on a déjà étudié, wallahi alhamd, avec certains frères, al-Bayquniya, et on essaiera, inshallah, dans notre série du samedi matin, de réétudier Marratan Ukhra al-Bayquniya ou un autre livre, Fi al-Mustalah, pour les frères qui n'ont pas pu assister. Qala rahimahullah, wa yanqasim al-khabar bi'i'tibar, yarhamukullah, ma yudaf ilayhi la thalathati aqsam, marfu'un, wa mawquf'un, wa maqtu'un. قال فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. المرفوع on est toujours في الخبر. Donc الخبر إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي on dit قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا c'est المرفوع. حقيقة سيأتي معنا يا أنه يا مرفوع même si on dit pas قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الحقيقة c'est comme si c'est النبي صلى الله عليه وسلم qu'avait dit هذا الخبر سيأتي معنا في المرفوع حكما قال في المرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره comme on a vu dans le درس précédent toutes les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام ses actions et كذلك ce qu'il a accepté c'est من المرفوع أي ça fait partie de سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاصطلاحات elles n'étaient pas connues à l'époque de Rasoul صلى الله عليه وسلم bien sûr et des compagnons et كذلك ceux qui sont venus après لكن العلماء ils les ont cités après et c'est devenu une matière مصطلح الحديث مصطلح الحديث c'est une matière qui montre هذه الاصطلاحات الاصطلاح c'est un mot qui désigne une chose précise dans une matière précise مثلا المرفوع عند أصحاب مصطلح الحديث سما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما المرفوع عند النحويين سسوغا أوتخ شوز المرفوع مثلا سي المبتدأ سي الخبر سي الفاعل سي نائب الفاعل توسس من باب المرفوعات زافي غماركي أوكان ليان فدانز اون ماتيير بريسيز لي سافون دو سيت ماتيير إي سيت أن نوم بور ديزيني أون شوز بريسيز مثلا Vu que Al-Akhbar, les informations, il y en a plusieurs. Il y a les informations du prophète, il y a les informations des compagnons, il y a les informations des imams qui sont venus après eux. On parle des informations qui sont liées à notre din. Fa'ulama, Al-Mustalah, pour faciliter, ils ont appelé les informations du prophète, Al-Marfou'a. Ay ma rufi'a ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ay le compagnon, il nous a rapporté une information du prophète, al-Sallam. هذا اللي هو أبلي مرفوع موقف سيبور لكمبانيون أي الخبر ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موقف عند الصحابي دونك سرع باقول جو كمبانيون المقطوع سي لو تابعي هذا سي أن تنبيه بور بيان كومبخوندر قولنا المصطلح أو هذا الاصطلاح أي سي ما اتفق عليه دي سافون دون ماتيغ بريسيز بور مونتخي un sens précis. قال فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكمة. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. هذا تقدم. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. أي c'est une chose qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné, mais tu ne trouveras pas un os, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait ou il a dit. Là. فمثلا يسوع الكلام ومنه قول المثال ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا. C'est qui nous fait le lien entre هذا المثال et le مرفوع. لأن هذا سمينا المرفوع. لكن c'est pas le مرفوع حقيقة. Le مرفوع حقيقة c'est قال الرسول أو فعل الرسول أو أقر الرسول صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le مرفوع. حقيقةً, c'est clair que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit cette chose, il a fait cette chose ou il a accepté cette chose. هنا un sahabi من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, tu peux trouver maintenant un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول أمرنا أو نهينا. فلماذا on dit que c'est مرفوع حكما؟ تفضل. نعم, لأن هذا الأمر, لأن الصحابي إذا قال أمرنا فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم الآمر أو الناهي. Tu peux trouver, tu trouves هذا un compagnon, il dit أمرنا, أي on nous a ordonné de faire telle chose. Qui c'est qui va leur ordonner? فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم ils prenaient les ordres du prophète عليه الصلاة والسلام. Si ce compagnon il dit pas le prophète عليه الصلاة والسلام nous a ordonné, لكن il dit أمرنا, c'est une sunna, c'est من المرفوع, لكن حكما. Pourquoi ils disent حكما? Le nas il n'est pas clair. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui leur a ordonné. Lakin tu comprends de la formulation que c'est le Nabi. C'est pour ça qu'ils ont dit حكما ou مرفوع حكما. قال أو نحوهما كقول ابن عباس, كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا في الصحيحين كما في الحاشية. فتأمل أن la parole c'est la parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما. Donc pour l'instant on est في حكم الموقوف, c'est pas le مرفوع. Le مرفوع c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, qui a parlé ou qui a montré ou qui a accepté. فهنا ابن عباس قال أمر الناس, أي les gens ils ont été ordonnés أن يكون آخر عهدهم بالبيت, أي avant de quitter Mecca quand ils font le Hajj ou l'Umrah, أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أي la dernière chose qu'ils doivent faire, celui qui fait le Hajj ou l'Umrah, avant de quitter Mecca, c'est de faire al-tawaf. البيت هنا بمعنى المراد الكعبة. قال إلا أنه خفف عن الحائض. Sauf pour le haïd. Ça c'est une faïda. Notre dîn il est fondé sur la facilité. Si une femme elle a fait le Hajj ou l'Umrah, ثم elle a été à la fin elle est touchée par les monstres, avec هذا الحال elle n'est pas obligée d'attendre de faire tawaf al-wada. Elle peut rentrer chez elle. Khasatan, si elle est accompagnée d'un groupe, ça arrive souvent. Anna, le groupe, ils ont une date précise. Matalan, ils doivent partir demain. Aujourd'hui, on est Yom Sabt, ils doivent partir l'Ahad. Et l'organisation, elle est faite comme ça. Anna, demain, dimanche, ils repartent. Ils quittent Mecca. Et ils se dirigent vers l'aéroport pour rentrer dans leur pays. Cette femme, elle a les règles samedi, les menstrues. Elle ne peut pas retarder tout le groupe. Et elle ne peut pas rester kadalik toute seule. Là, je sais qu'il y a une mashaqqa azima, il y a un darar alayha. Avec hadha al-hal, khufifa 'ani al-mar'a, elle part sans faire al-tawaf et elle a une excuse. Et il y a des précisions et des détails qu'on ne citera pas. C'est un dars de fiqh dans sifat ou manasik al-hajj. On revient à notre sujet. قوله رضي الله عنه أمر الناس فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم qui a donné cet ordre. قوله إن إلا أنه خفف عن الحائض, لا شك que c'est النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن هذا النوع من النساء. Donc هذا c'est clair. Donc هذا c'est من المرفوع حكما. Même si c'est la parole d'Ibn Abbas, Ibn Abbas في الحقيقة il a rapporté un ordre du prophète صلى الله عليه وسلم. S'il aurait cité clairement أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a ordonné, on aurait dit ماذا, on aurait dit c'est quoi comme نوع أحسنت مرفوع حقيقة. Vu que Ibn Abbas il n'a pas cité clairement que c'est النبي صلى الله عليه وسلم, لكن on comprend Donc ça, le hukm du marfou'. قال وقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا الشاهد نهينا وهذا كذلك في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز أي on nous a interdit de suivre الجنازة أو الجنائز أي pour les femmes elles n'ont pas le droit de suivre الجنازة c'est pour les hommes فهذا لا شك أن هذا النهي il venait du prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, deux exemples il a cité pour montrer al-marfu hukman. On peut rajouter un exemple et il est muhim. Idha qala as-sahabi qawlan et hadha al-qawl la majala lahu ou la majala fih. Il ne peut pas dire hadha al-qawl bi mujarrad al-ijtihad ou al-ra'i. هذا له حكم الرفع مثلا un compagnon il informe une chose de l'invisible ou une chose de l'akhira de l'au-delà على الشك أن ce compagnon ولله الحمد les compagnons رضي الله عنهم c'est tous des personnes de confiance كلهم عدول donc cette information qu'il dit il ne peut pas l'avoir inventée أبدا et كذلك c'est pas une babel ijtihad c'est pas une chose où tu peux réfléchir C'est pas mimbab al-ra'i. L'insan, il peut donner son avis, comme certaines messa'il de fiqh. Bab l'ijtihad, il est ma'rouf. Ba'd al-sahaba ijtihadou. Et ba'd al-sahaba, ils les ont khalif. Il y a eu des divergences. On prend le qawl du compagnon qui parle, ou qui a cité un dalil, ou son qawl, il est plus proche du dalil, il est akhir. Amma ba'd al-aqwal, c'est pas min hadha al-bab. Fa c'est aqwal laha hukm al-rafa. Mathalan. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما et on a cité cet exemple il y a quelques jours dans notre درس في الأسماء أو في نعم شرح أسماء الله عز وجل أن الكرسي موضع قدمي الرحمن هذا الأثر il est صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما il a informé أن الكرسي وسع كرسيه le كرسي d'Allah سبحانه وتعالى c'est le موضع موضع قدمي الرحمن هذا لا شك أنه له حكم الرفع لماذا؟ لأن كيسي كي أنفرم ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي ستي موضع القدمين من؟ ابن عباس تعلمون الحبر البحر النبي صلى الله عليه وسلم يوافي الدعاء ستي من الصحابة الأجلاء لا شك أنه il a dit هذا الكلام إما il l'a entendu d'un autre compagnon et l'autre compagnon il l'a entendu du prophète عليه الصلاة والسلام إما lui-même il l'a entendu directement du prophète عليه الصلاة والسلام لكن il a informé هكذا ça arrive il a informé هكذا une information qu'il avait sans dire قال الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى كل حال les paroles des compagnons qui sont sur une chose qui ne peut pas être dite avec une réflexion ou l'ijtihad فهذا سمن من المرفوع حكما قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد والرأي هكذا donc on a fini le premier cas المرفوع deuxième cas الموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع donc cette précision لأن إذا ثبت حكم الرفع قول الصحابي في الحقيقة من المرفوع حكما si c'est un قول d'un صحابي من الصحابة رضي الله عنهم et c'est pas من المرفوع فهذا c'est الموقوف قال on répète ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على القول الراجح donc هذا القول de ce صحابي On sait que ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que ce n'est pas un marfou hukman. Donc, est-ce que c'est une hujja amla? Vous avez remarqué que Akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ibn Uthaymeen, il n'a pas précisé que c'est une hujja, mais c'est wadih. La shak anna toutes les informations qui nous viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une hujja. Une hujja, c'est une preuve. Est-ce que la parole du compagnon c'est une hujja قال شيخ ابن عثيمين وهو حجة على القول الراجح il y a un خلاف واسع كبير بين العلماء est-ce que la parole du compagnon c'est une preuve أم لا et شيخ ابن عثيمين هنا قال c'est une hujja على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منها أو منهما. هذه المسألة في الحقيقة elle demande du temps. Et هنا on va faire un résumé par rapport à la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. Et طالب العلم au départ il étudie ce sujet باختصار. ثم الخلاف c'est dans d'autres livres. Que ce soit le Mudhakkira ou autre min kutub al-usul. Et كذلك في كتب المصطلح يسيت cette مسألة. Et طالب العلم يتوسع après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. قوله وهو حجة على القول الراجح الذي يظهر c'est قول المحققين من أهل العلم qui ont dit que c'est pas une حجة. لماذا؟ Et في الحقيقة كلام شيخ ابن عثيمين les شروط qu'il a cité ça montre que c'est pas une حجة. لأن الصحابة رضي الله عنهم أفرادهم ils sont pas معصومين. Et ça, on est tous d'accord, même ceux qui disent que le qawl, c'est une hujja. Donc, le qawl du sahabi, tu peux l'accepter s'il est fondé sur un dalil et tu peux ne pas l'accepter. فَلِهَذَا قَالْ شَرْمُ عُذَيْمِينَ إِلَّا أَنْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ قَوْ صَحَابِ آخَرَ ثُمَّ قَالْ فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا أُخِذَ بِالنَّصِ. هنا, العلماء précisent أن الصحابي, quel que soit le compagnon, il ne délaissera pas un nas. Bi'amd, volontairement. Lakin, vu que ce compagnon, il n'est pas ma'asoum, il n'est pas infaillible, il peut oublier. Comme c'est arrivé. Nassit, le qissa, lakin, adhkor, c'est Omar radiyallahu ta'ala an. Naam, c'est Omar radiyallahu an, annahu, dans une mas'ala, il avait oublié quand le sahabi radiyallahu anhu, il lui a rappelé. Pardon, c'était Ali, nassit, le qissa. T'adhkor? Ah, تفضل. أظن شو من زميني لا سيد هذا في الشرح. تفضل. نعم. لا لكن المسألة في الفقه المسألة واضحة في النكاح وفي الطلاق. مهم الشيخ من عزيمين أظن ذكر هذا. نعم ممكن. نعم مهم الأمثلة موجودة في شرح الشيخ من عزيمين. على كل حال هذا صحيح. لكن هنا une précision importante أن الصحابي لا يتعمد مخالفة النص أبدا. لأن أتقى الناس بعد الأنبياء والرسل يسويف النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة. يزمي سويف النبي صلى الله عليه وسلم لكن سعرفه كيل ستخمبه أو كيل زوبليه. Donc إن خالف النص أخذ بالنص. هذا c'est clair. Si le compagnon sa parole on a un délil min al-Qur'an min al-Sunnah qui montre le contraire, enfin on revient au délil. قال وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. Hey, si les compagnons eux-mêmes, ils ont un khilaf, ils ont divergé. ففي هذا الحال, on étudie le khilaf et on prend al-qawl al-rajih. في الحقيقة هذا ça montre أن قول الصحابي c'est pas une hujja. لأن قول الشيخ ابن عثيمين وإن خالف قول صحابي آخر, ça montre que الصحابة ils peuvent diverger et s'ils divergent, l'achat, ce n'est pas une hujja, on est obligé de choisir. Donc, tu peux déduire de هذا أن الحجة c'est في الإجماع. إجماع الصحابة, نعم, c'est une hujja. هذا لا شك فيه. لا تجتمع أمتي على ضلالة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالسبيل المؤمنين لا شك العباس الصحابة رضي الله عنهم les croyants à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. فالور إجماع l'unanimité des compagnons c'est une hujja. Si tous les compagnons ils ont un قول لا يجوز ceux qui viennent après de les خالف. لماذا؟ لأن ils peuvent pas tous s'être rassemblés sur quelque chose qui n'est pas juste. أبدا. Donc, هذا ça nous montre أن إجمعهم c'est une حجة. أما قول الصحابي lui-même قوله c'est pas une حجة. On a une autre مسألة أن si son صحابي il a un قول et personne ne le خالف. هذا في الحقيقة tu reviens au إجمع. العلماء ils l'appellent إجمع سكوتي. في الحقيقة ce قول الصحابي إذا انتشر avec هذا الشر. العلماء ils précisent هنا إذا انتشر القول. مثلا الصحابة رضي الله عنهم ils ont entendu un قول d'un صحابي et personne ne montre que le قول il n'est pas correct. فهذا الحمد لله ça rentre في الحقيقة في باب الإجماع. Donc الراجح c'est que إجماع الصحابة c'est une hujja. Wa idha ikhtalafa as-sahaba fa on revient au nas qui a cité un dalil min as-sahaba radiyallahu anhum. Et là chaque comme qala al-imam Shafi'i rahmatullah alayh qawluhum lana khayrun min qawlina. Ça nous montre que la compréhension de sahaba radiyallahu anhum elle passe avant la compréhension des autres. Et les asaf, on vit à une époque intashara at-ta'assub li al-madhahib ou li al-ashkhas. Et tu trouves, les gens, ils font un effort kabir pour trouver ou pour connaître la vie de tel shir, tel imam. Et ils ne donnent pas beaucoup d'importance à athar al-sahaba radiyallahu anhum. خاصةً أن بعض الكتب جمعت هذه الآثار. من أعظم الكتب في هذا الباب سمو صنف ابن أبي شيبة. Il est imprimé en beaucoup de volumes, une vingtaine ou أكثر ou une trentaine de volumes. Et كذلك مصنف عبد الرزاق الصنعاني الإمام رحمة الله عليه. Ces كتب rassemblent آثار الصحابة. Que ce soit dans l'aqida ou dans le fiqh. C'est des كتب مهمة. Donc العناية. C'est pour ça que l'imam الشافعي قال قولهم خير من قولنا أي لو قول سميه كنت قول قال وفهمهم خير من فهمنا أي لو كومبرانسيون لي ميو كنت كومبرانسيون ça ça montre انه aussi un khilaf et on a la compréhension d'un sahabi et on a la compréhension d'un autre enfin on doit prendre en considération la compréhension de ce sahabi لماذا لان الصحابه رضي الله عنهم ils étaient اعلم من غيرهم باللغه. Le Coran il est descendu avec leur langue, la langue de Quraysh. Lughatul Arab al-Fusha, la langue qui parlait chez eux avec leurs enfants, le Coran, il a été révélé via cette langue. Fait comprendre mieux la langue. Kadhalik ils ont assisté, ils ont vu des choses que les autres ils ont pas vu. Wala shakka anna al-khabar laysa kal-mu'ayyana. Celui qui voit une chose, c'est pas comme celui qui a été informé d'une chose. Et kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarahum li suhbat nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Wala shakka anna Allah لا يختار إلا الأطيب والأفضل. الله سبحانه وتعالى il a choisi pour accompagner le prophète عليه الصلاة والسلام les meilleurs hommes. Leur qawl il passe avant celui des autres et leur compréhension avant celle des autres. Et si tu trouves un qawl et sahaba ils ont une compréhension, un autre qawl qui خالف la compréhension des sahaba, فاحذر. Et c'est ça le manhaj al-salafi, c'est de revenir à هؤلاء في العقيدة et في الفقه et في العبادة et في جميع الدين. Leur compréhension elle passe avant celle des autres. Wallahu ta'ala a'lam. Et ce sujet, vous le détaillerez idnillahi azza wa jal dans d'autres livres, que ce soit fil usul ou fil al-mustalah. Thumma qala rahimahullah wal-sahabi man ijtama'a bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bih wa mata ala dhalik. Man ijtama'a bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fini, il a conclu le deuxième cas, et il mawquf par la définition du sahabi. Un sahabi, un compagnon, c'est celui man ijtama'a bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a rencontré un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et هذا التعبير il est adaq que la définition que tu trouveras dans certains livres man ra'a في الحقيقه قوله من اجتمع او من لقي كذلك. C'est mieux que man ra'a. Lianna, même si cet homme ou cette femme, ils étaient aveugles, s'ils ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou alors un moment très court, et ils ne l'ont pas vu avec leurs yeux, s'ils étaient aveugles, c'est des compagnons. Donc, hada ta'bir, il est tayyib. Man ijtama'a ou man laqiya. Hada l'ijtama'a qui soit, bien sûr, si c'est un long moment, comme les compagnons qui sont restés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min al-muhajirin wa al-ansar, هؤلاء رضي الله عنهم لا شك c'était des compagnons. Et كذلك même si c'est un court moment, ولو لحظة, il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ولو une seconde, c'est un sahabi. Et il est meilleur que tous ceux qui viendront après. لماذا لأن le fait d'avoir rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une fadila azima que tous ceux qui viendront après, ils n'auront jamais. لأن هذا ça s'est arrêté avec la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. قال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. Bien sûr, ça fait sortir الكفار والمنافقين qui ont rencontré le Nabi صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم ils lui ont parlé, بل بعضهم ils faisaient partie de sa famille. Et هؤلاء qui n'ont pas cru, même s'ils ont rencontré le Nabi صلى الله عليه وسلم, فلا شك أنهم ils ne sont pas comptés comme compagnons. s'ils se sont convertis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas des compagnons. Ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand c'était des kuffars, thumma, ils ont cru après, enfin c'est pas des compagnons. C'est des tabi'in. Qala wa ma ta'ala dhalik, bien sûr. Ah ben celui qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant, il est mort à la autre que l'iman, fahada, c'est pas un sahabi. بعض العلماء يرجوت وإن تخللت ردة ردة قبل ذلك نعم même si cet homme il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant donc c'est un compagnon ثم à un moment donné il est sorti de l'islam ثم il a fait tawbah il est re-rentré dans l'islam هذا ça reste un compagnon ça reste un compagnon على الصحيح كما بين الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثم قال رحمه الله والمقطوع donc on a fini الموقوف أي قول الصحابي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده donc la parole du compagnon c'est le موقوف أو son فعل et la parole du تابعي c'est المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده كذلك ceux qui sont venus après التابعي وَالتَّابِعِ مَنْ اِجْتَمَعَ بِالصَّحَابِ مُؤْمِنًا بِالرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ C'est le même tarif, sauf que التَّابِعِ, c'est celui qui a rencontré un compagnon. S'il a rencontré au moins un compagnon face à un tabi'i. Et bien sûr, مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ أَقْسَامُ الْخَبَرُ بِاعْتِبَارُ طُرُقِهِ أي, هنا c'est un autre تقسيم, أي, par rapport à aux chaînes de transmission au nombre. Et s'il y a beaucoup de rapporteurs, ils ont donné tel nom. S'il n'y a pas beaucoup de rapporteurs, ils ont donné tel nom. Et كذلك d'autres points. قال ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر واحاد. تقدم معنا في دروس العقيده ان هذا التقسيم محدث. احدثه اهل البدع واهل الكلام. لكن كثير من علماء السنه الا ست لامور. Pour plusieurs raisons. Awalan, ce ta'rif, ou ce taqsim, ces catégories, mutawatir et ahad, ils sont cités dans les livres. Tu les trouveras dans les livres de usul, tu les trouveras dans les livres de mustalah. Donc, certains ulama, ils les citent comme ceux qu'ils étaient avant eux. Et kadhalik, c'est important de le connaître. Hatta, quand tu entends parler de mutawatir et de ahad, tu sais c'est quoi al-murad. Wa illa, ahlul bid'a, ils ont cité hada taqsim pour rejeter beaucoup de hadith. Al-mutawatir, comme ça y est, c'est marawah jama'a kathirun. C'est un hadith, beaucoup de rapporteurs ils l'ont rapporté. Et c'est pas possible qu'ils se sont tous rassemblés à citer ce hadith et mentir. C'est impossible. Ça, c'est le mutawatir. Et la chèque que ce genre de hadith, c'est sahih. Beaucoup de rapporteurs, c'est des imams de confiance, la chèque qu'il est accepté. Al-ahad, c'est un hadith qui a été rapporté par 1, 2, 3, 4, 5 muhim, moins que At-Tawatur. At-Tawatur, بعض العلماء, il cite une limite 20, 30, 40. As-Sahih, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et بعض العلماء, ils ont montré les hadiths al-mutawatir. Al-muhim, c'est qu'il y a beaucoup de rapporteurs. Et c'est là l'important, c'est que Al-Ahad, et si ce n'est pas mutawatir, maintenant un rapporteur 2, 3, 4, المعتزلة وغيرهم من أهل البدع إذا أكسبت با الأحد في العقيدة même s'il est في صحيح البخاري même s'il est في صحيح مسلم. C'est pour ça qu'on a dit que هذا التقسيم il est محدث كما بينا العلماء الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه et شيخ ابن عثيمين lui-même ربما dans certains livres ils ont rejeté beaucoup de أحاديث خاصة في الصفات et ils disaient que c'est من الأحد pour eux الأحد لا يفيد اليقين. Même si c'est un imam de la sunna, même si c'est le Bukhari, même si c'est l'imam Ahmed, et haoula al-Jibal, hum, ils rejettent. Et ils ont rejeté beaucoup de choses fait l'aqida. Et fait l'aqida, tanaqadou. C'est les passions. Il y en a, ils ont accepté certaines choses, c'est min al-ahad. Ils ont rejeté certaines choses, et fait l'aqida, il y a des ahadites mutawatira. C'est pour ça que taqsim, il est muhdath. Et taqsim, c'est ces catégories. Fait l'aqida, ça n'existait pas avant. Et le but d'avoir divisé le hadith en ces deux parties, à la base, c'était pour rejeter la vérité. وَإِلَّا va maintenant dans les kutub de usul tu trouves hada, même les savants de la sunna ils le citent pour te montrer c'est quoi le mutawatir et l'ahad. أما الاعتماد على هذا يا أكن فائدة لماذا؟ لأن عند أهل الحق عند أهل السنة ولله الحمد ils acceptent le hadith qu'il soit mutawatir ahad tant qu'il est sahih ils l'acceptent et ils l'acceptent في العقيدة وفي غير العقيدة. لماذا؟ لأن c'est un nus sahih. Et notre din, il est fondé sur hada. La révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a reçue. Thumma, elle a été propagée par un sahaba, radiyallahu anhu. Les sahaba, kulluhum udul. Thumma, les imams qui sont venus après eux, ils ont propagé. Et, arrivé à un moment, certains imams, ils ont rassemblé hadith akhbar dans des kutub. Matalan, sahih al-Bukhari, sahih muslim, al-sunan, al-ma'ajim, al-masanid, etc. Donc, tant que le khabar, il est authentique, même si c'est un qui le rapporte. On a vu dans le mustalah hada, on a certaines chaînes de transmission, c'est un rapporteur dans chaque tabaka. Ahyanan c'est deux, ahyanan c'est trois, al-aziz, al-fard, etc. On avait vu tous ces aqsam. Tant qu'il est thabit, on accepte. Hada, wallahu a'lam. Qala rahimahullah, yanqasim al-khabar bi'atibar turuqihi la mutawatir wa ahad. Fal-mutawatir ma rawahu jama'atun kathirun, yastahil fil aada an yatawata'u ala al-kadhib. وأسنده إلى شيء محسوس. المتواتر donc c'est un groupe très nombreux qui rapporte ce hadith. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Et d'autres exemples في التواتر بعض العلماء ils les ont rassemblés. أحاديث الحوض أحاديث الشفاعة beaucoup de أحاديث من التواتر. Et tu trouves من هذه الأحاديث وبعض المعتزلة وبعض أهل الكلام اللي رجد. Pourtant c'est من التواتر. Et كما تقدم معنا ils acceptent certaines choses عيادا بالله il n'y a aucun دليل من القرآن ومن السنة. Ça montre أن القوم في الحقيقة ils font partie de أهل الأهواء. وهكذا أهل الأهواء même si ils essayent de montrer qu'ils ont des principes comme les innovateurs à notre époque, أنا on suit le Coran, la Sunna, tout le monde le dit الآن هذا. Il faut suivre le Coran, il faut suivre le Sunna. Et عند المحققة في الحقيقة tu vois أن كثير من هؤلاء suivent الهوى. نعوذ بالله من الهوى. La deuxième catégorie, الأحد ما سوى المتواتر. Si le hadith n'est pas متواتر, il est forcément أحد. Tu vois, ces deux cas. Si les rapporteurs ne sont pas nombreux, arrivé à un moment, le hadith devient أحد. قال وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام أي الأحد tu trouveras trois catégories إما صحيح إما حسن إما ضعيف. أما المتواتر فلا شك أنه il est صحيح il est accepté لأنه il y a beaucoup de rapporteurs ça il n'y a aucun doute. الأحد إما il est صحيح إما il est حسن إما il est ضعيف. Donc tu comprends bien من هذا أن الأحد s'il est ضعيف مثلا ce rapporteur ou ces deux rapporteurs ou ces trois rapporteurs ils ont un problème dans le hifz ou tuhimu bi kadhib la shak on dira hadith dha'if mawdou' ila akhirih. Si le hadith il est sahih on dira sahih même s'il est ahad ça change rien en la haqiqa. Qala fa sahih ma naqalahu 'adl tam adh-dhabt bi sanad muttasil wa khala min ash-shudud wal 'illa al-qadiha. Hadha c'est du mustalah ay la définition du sahih. ما نقله عدل تام الضبط. C'est ça les conditions du sahih. Que le rapporteur il soit min al-udul, un rapporteur de confiance. Il y a des choses qui montrent qu'il n'est pas de confiance, comme le mensonge il a akhir. تام الضبط, ça c'est le hifz, أنه يحفظ, il a mémorisé ce qu'il a rapporté. Et al-dabt, ça peut être dabt sadr ou dabt kitaba, comme on a vu. Bis sanadil muttasil. Il faut que ces rapporteurs qui sont de confiance et qui sont tam dabt, et qu'ils ont mémorisé parfaitement ce qu'ils ont rapporté, il faut que chaque rapporteur, il a entendu al-hadith du rapporteur de son shir. C'est ça al-ittisal. Imma l'a entendu, imma il y a une possibilité qu'il a entendu. On ne rentrera pas dans les détails des choses. Donc, al-ittisal, mais s'il y a une coupure. Mathalan, ce rapporteur, il prétend avoir, il rapporte ce hadith de tel autre rapporteur, et on voit entre les deux, il y a 100 ans, mathalan. Quand il est né, quand il est né ce rapporteur, l'autre rapporteur, il était déjà mort. Enfin, il ne peut pas l'avoir rencontré. Là, Mimbabi Aoula, il ne peut pas avoir entendu ce hadith de lui. Donc forcément, entre ce rapporteur et l'autre, il y a quelqu'un. Forcément, c'est ça l'inqita, il y a une coupure. Ce quelqu'un doit savoir ce qui est. Si on ne sait pas ce qui est, il y a une coupure. Et la coupure, ça annule as-siha. Donc la condition pour qu'ils soient sahih, c'est l'ittisal. L'ittisal, c'est qu'il n'y a pas de coupure. On dit, hada al-habl, est-ce qu'il est muttasil et est-ce qu'il est bien lié? Si il y a une coupure, hada, ça annule as-siha. Qal wa khala min ash-shudud wal-illa al-qadiha. Un hadith, en apparence, il peut être sahih. Tu vois, les rapporteurs, ils sont tous de confiance. Et كذلك, l'ittisal fi al-zahir, il est muttasil. Et tu vois bien que chaque tabaka, cet élève, son shir, ou la personne qui est au-dessus de lui, c'est fi tabaka tel mashayikh. Donc tu vois qu'il y a un ittisal. Il n'y a pas un problème dans les dates et la akhirah. Lakin, il y a une illa. Et hada, c'est un ilm que beaucoup de personnes, ils ont du mal à comprendre et c'est tout à fait normal. Ça, c'est a'immatul hadith qui arrive à comprendre hadith masail. Khasatan, en revenant aux imams de l'époque. Qu'al-imam al-Bukhari ou l'imam Ahmed. Ou l'imam Abu Hatim, l'imam Abu Zur'a, كذلك après l'imam Daraqutni. Tu penses que le hadith il est sahih et t'étudies la chaîne de transmission en apparence elle est sahiha. Cet imam il te montre un tel imam, c'est une personne de confiance, lakin ce hadith il l'a jamais écouté de son chien. Et il te montrera pourquoi. En apparence il est muttasil, thumma. Tu as trouvé une illa. L'illa, c'est le défaut. Donc, le hadith, il n'est pas sahih. L'illa, elle peut être qadiha, elle peut être ghair qadiha. Si elle est qadiha, qadiha, ça veut dire qu'elle fait du mal à la chaîne de transmission. Le hadith, il est da'if. Si elle n'est pas qadiha, fa la bas. Et les détails, c'est dans Kutub al-Mustalah. Et les ulama, ils ont écrit des Kutub fi hada. Kutub al-Ilal est parmi les livres les plus importants. Fi hada al-bab, Kutub ou Kitab Ilal ad-Daraqutni, rahmatullah alayh. Il a cité beaucoup d'ahadith et il montre al-Ilal. Et les défauts. C'est pour ça que, ça c'est une faïda azim, c'est pour ça que Hadar Bab il est muhim. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité هنا, Bab al-Akhbar. Et les ulama اختلفوا كثيرا, خاصة في بعض الأحاديث, à cause de certaines ilal khafiya. Il y a des ilal, des défauts, ils ne sont pas apparents. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre, qui peut les voir. Donc si tu as un imam qui dit tel hadith il est sahih, ou hasan, Mouhim, il accepte le hadith. Et il te montre telle chose, c'est une sunnah. Et un autre imam, il montre avec des preuves que le hadith, il est mu'al. Et il y a un défaut. Et il te montre pourquoi tel rapporteur fait le haqiqa, il n'a jamais entendu le hadith de tel rapporteur. Et il montre pourquoi. On est obligé de revenir à ulama ou le jarh. C'est du jarh, hada. L'imam, il a critiqué tel rapporteur dans tel point. On est obligé de revenir. Et on fait attention. Al-hawa. Celui qui n'a pas le qudra, il faut avoir un minimum. Pour savoir, عند الخلاف في الحكم على الحديث, il faut un minimum de ilm. Celui qui ne sait pas, il revient au grand savant de la sunna. Maintenant, à notre époque, il revient à Kutub Sheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Il revient à Kutub Sheikh Muqbil. Et si on lui montre avec les preuves, même si ceci si, ne comprend pas, lakin, si on lui montre avec les preuves que le hadith il est da'if, et on lui montre al-ilal, ou une illa, fi hadha al-hal, insan la yajouzan yata'assab. Et il dit, lakin, Cheikh Fulan, il a dit, wa'aduhum, à cause de l'ignorance, il dit, lakin, tu sais mieux que Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, c'est pas un kalam de talib ilm, ou là, c'est pas le kalam d'un savant, abadan. Léana, le fait de dire ça, l'autre, il va te dire, l'imam al-Bukhari, il a da'af le hadith. Est-ce que Cheikh Al-Albani il est a'lam que l'imam Al-Bukhari? Ça ne sert à rien de dire ce genre de parole. L'imam Al-Albani c'est un imam fil hadith, c'est la référence à notre époque. Lakin ça ne veut pas dire qu'on prend tous ces ahkam dans tous les hadiths. Abadan. Wa hakada Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. C'est un imam min a'immat al-hadith. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre tous ces kalams. Là, si on devrait suivre aveuglément quelqu'un dans al-hukm ala al-hadith, on aurait qallad l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Ou l'imam Abu Hatim, ou l'imam Daraqutni, ou là, c'est les références fi hada al-bab. À la kulli hal, at-ta'assub, c'est mauvais. Que ça soit fil fiqh, que ça soit fil hadith, c'est très très mauvais. L'insan, il doit être objectif et il adam l'ilm, il qadr l'ilm. Un savant, il a montré que tel hadith, il est daïf. Si on arrive à comprendre son kalam et on est, alhamdoulilah, on est convaincu, enfin on accepte. Même si Cheikh Mokbil il a un autre avis, même si Cheikh Al-Albani il a un autre avis. Bel fil haqiqa, celui qui a étudié hadal ilm, prends l'exemple de Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, taraja'a lui-même. Ça montre que, maintenant, wahad yata'assam hadith. Tu fais une recherche, le Cheikh lui-même il est revenu sur le hadith. Et tu trouves. Wa'ad al-Juhal, il continue à s'entêter. Le Cheikh lui-même, il est revenu. Ça montre al-Dha'af et ça montre l'ignorance. Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, dans son livre Al-Jami' al-Sahih, Mimma laysa fi al-Sahihayn, tu trouves al-Hajjah, il est revenu sur plusieurs hadiths. Qu'il a sahaha ou l'inverse. Ahyanan il sahaha et dans al-Hajjah, il a mis une remarque, j'avais authentifié ce hadith, thumma. Imma, il le dit, un de mes élèves, ou un tel. Ou lui-même, il a fait une recherche et il a trouvé une faille, un défaut. Et il le montre. Et il conclut, je reviens, j'avais dit sahih, en fait, le hadith, il est faible. Et il a, en écrivant, al-jami' al-sahih, mimma laysa fi al-sahihayn, et ça montre, thamaratul ilm. Ça a donné naissance, entre guillemets, à un autre livre. Ahadith mu'alla, zahiruha al-sihah. Ce livre de Cheikh Mokbil, à peu près 400 hadiths ou 500, ils l'ont imprimé en un mujallad. Ce livre, en fait, Cheikh Mokbil, c'est le fruit de l'étude du rassemblement de hadith qu'il a fait via Al-Musnad. Sahih Al-Musnad, mimma laysa fi Sahihayn. Ce livre, c'est devenu Al-Jami' Sahih. Il l'a ordonné avec Abu Abul Fiqh, comme il a fait l'imam Bukhari. Rahimahumullah. Mouhim, quand il a rassemblé tous ces hadiths, son but, c'était de rassembler des hadiths qui ne sont pas dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari ou dans Sahih Muslim, mais qui sont authentiques. Pourquoi les Annabad, Ahl al-Ahwa, ils ont prétendu qu'il n'y avait pas de Sahih autre que le Bukhari et Muslim. Et ça, c'est grave. Tu peux lui emmener un hadith Sahih de Al-Musnad, de l'imam Ahmed, ou de Al-Sunan, Sunan ibn Majah, ou Tirmidhi, ou Boudaoud, ou Nasa'i. Tu lui montres et il te dit là, tant qu'il n'est pas Sahih al-Bukhari et Muslim, je rejette. Ça, c'est grave, ça, c'est une bid'a. Cheikh Mokbil, il a répondu avec ce livre, des milliers d'ahadith, Al-Jami'u Sahih, ou Al-Sahih Al-Musnad, mimma laysa fi Sahihayn. C'est un regroupement de hadiths authentiques, et ces hadiths authentiques, ils ne sont pas dans le Bukhari Muslim. Fait le haqiqa, c'est un livre tayyib qui complète le Bukhari et Muslim. Thumma, dans cette étude, vu qu'il a fait beaucoup de recherches dans des ahadiths, il a remarqué que certains ahadiths, en apparence, ils étaient sahih. Thumma, avec les recherches, il y avait des ilal, des problèmes. Khasatan fil inqita. Avec les recherches, tu t'aperçois que tel rapporteur, il n'a jamais entendu ce hadith de tel rapporteur. Et pour pouvoir savoir, il faut regarder les livres de ilal. Ilal Daraqutni, ilal Tirmidhi, ilal Ibn Abi Hatim, etc. Pour savoir. Et à chaque fois, il notait le hadith. Le hadith en apparence sahih, Thumma, il trouvait un défaut. Thumma, hakada, hakada, hatta jama'a à peu près 400 ou 500 hadiths et il les a rassemblés dans un livre et il l'a appelé hadith mu'alla, al-zahiruha al-siha. Et des hadiths qui en apparence sont authentiques et avec des recherches, tu t'aperçois qu'ils sont daïfs. Il y a une illa. C'est pour ça que, qawluhu, on revient à notre maître, wal illa al-qadiha, al-illa c'est un défaut que c'est pas tout le monde qui peut le voir. Il y a des hadiths qui sont daïfs clairs. Tu trouves un rafidi dans le sunnat, tu trouves un kadhab, tu trouves un inqita de 2-3 rapporteurs. Hada, c'est wad. N'importe qui a un minimum, il te dira le sunnat, il y a un menteur, il y a un inqita. Il y a des hadiths là. En apparence, ils sont authentiques et il y a un défaut. Fahada. Tout ça pour vous montrer notre ta'assub là, là, il yajouz. Là, il yajouz. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, kadhalik. Il est revenu dans beaucoup de hadiths. Imma sihatan ou da'fa. Des hadiths qu'il avait authentifiés, il les a dha'af plus tard. Et des hadiths qu'il avait dha'af, il avait rendu faible, il les a authentifiés par la suite. Et ils les ont rassemblés dans certains ajza, dans certains volumes. Les livres que, ou les hadiths que Cheikh Al-Albani, il est revenu sur le jugement qu'il avait donné. Ça nous montre, on a le Cheikh lui-même, il change d'avis. Il va dire, at-ta'assub. Qala, rahimahullah, wal-hassan. ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. On n'a pas expliqué ما يتعلق بالشذوذ. الشذوذ, il y a plusieurs انواع. Et on peut citer un exemple, النشاذ, c'est si un rapporteur, il خالف des autres rapporteurs. Imma, ils sont plus que lui, imma, ils ont un rang plus élevé que lui dans le hifz. هذا العلماء يدي سان شاد ميم سي لو رابورتور سي ان رابورتور دو كونفيونس سي خالف دي زوتر مثلا lui il a rapporté le hadith d'une manière d'une façon avec des mots et les autres ils ont utilisé d'autres mots ou ils l'ont khalif dans certains sens هذا يدي سي الشاد le hadith كذلك il est pas accepté via هذا الحال. C'est pour ça que as-sahih il faut pas qu'il y ait une illa un défaut ou shudud les deux. Al-Hassan c'est la même chose. Sauf que la différence entre Sahih et Al-Hassan, c'est fait dhabt. Vous avez remarqué que Sahih قال tam ou dhabt. Et la mémorisation, elle est très très forte. Et fil Hassan, il est khafif al dhabt. La mémorisation, elle est moindre. Lakin, le hadith, il est quand même accepté. Là, je sais qu'il y a une différence entre Al-Hassan et Al-Sahih dans le Martaba. Le Sahih, il est plus authentique. Lakin, Al-Hassan, c'est accepté. Et à l'époque, il n'y avait pas Sahih et Hassan. À l'époque, c'était tout Sahih, tout accepté. ثم العلماء ils ont différencié entre الصحيح الحسن par rapport au ضبط à la mémorisation. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. أي الحسن s'il a plusieurs chaînes de transmission et les chaînes de transmission elles se renforcent les unes des autres, il peut atteindre le niveau de صحيح. Et on l'appellera صحيح لغيره. أما le premier qu'on a cité c'est الصحيح لذاته أي lui-même il est صحيح. Cette chaîne de transmission elle est صحيحة même si on n'a pas d'autre. أما le حسن s'il a beaucoup de plusieurs chaînes de transmission il peut monter au niveau du صحيح. On l'appellera صحيح لغيره. Donc on a الصحيح لذاته ثم on a الصحيح لغيره. قال والضعيف Et bien sûr, قوله ما نقله عدل خفيف الضبط. On est toujours في الحسن بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القاضحة. هذا c'est الحسن لذاته. Donc tu as الصحيح لذاته. ثم tu as الصحيح لغيره. ثم tu as الحسن لذاته. Et lui-même il est حسن. Un des rapporteurs il est خفيف الضبط. Il a pas une mémorisation قوية. لكن c'est une personne de confiance. Son hadith il a accepté. ثم قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. Si le hadith il a pas les conditions du sahih, كذلك il a pas les conditions du hasan, ou alors il manque une condition, il est ضعيف. Il est pas accepté. قال ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر أو يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. Le ضعيف s'il est pas si c'est pas un va'f shadid bien sûr ama s'il est munkar ou il est mawdou' si c'est un mensonge c'est un mensonge il n'est pas accepté à la kulli hal lakin si le va'f il est yassir مثلاً il y a un inqita' il y a une coupure entre tel rapporteur et tel rapporteur donc il n'est pas hassan il n'est pas sahih il est da'if. On trouve un autre hadith qui est faible lakin il le renforce. ثم troisième, ثم quatrième, ثم ربما la parole d'un compagnon إلى آخره. العلماء renforcent toutes ces chaînes de transmission et ils disent le hadith il est hassan, et il a un asl et il est accepté et il l'appelle hassan لغيره. En fait, il est plus ضعيف. هذا وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف. الضعيف أي ما خلا من شرط الصحيح والحسن. هذا c'est pas une hujja, on n'a pas le droit de l'accepter. Est-ce qu'on a le droit de l'appliquer? قال فليس بحجة. Ça c'est clair. C'est pas une preuve. لماذا لأن في الحقيقة c'est pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Ça fait pas partie de sa sunnah. لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. هذا لا شك. هذا لا شك أن le cité عند الشواهد ونحوها المتابعات نعم. أي pour renforcer d'autres chaînes de transmission لا بأس. أو مثلا on a un hadith صحيح et on a ce ضعيف, il a une ma'na assez proche et on le cite pour فقط montrer un certain sens clarifié. هذا لا بأس. أما l'appliquer فلا. بعض العلماء قالوا أن c'est permis d'appliquer ضعيف عند فضائل الأعمال et tout ce qui est lié au comportement il a akhiré autre que la عقيدة et les adorations مثلا la salat. فهذا tu l'appliques pas لكن في فضائل الأعمال le bon comportement c'est permis. فهذا هذا الصحيح c'est que c'est pas permis. لأن dans sunnah الصحيحة tu trouveras ما يكفي. On n'a pas besoin de الضعيف. Ça c'est le قول الصحيح. Et Cheikh الألباني رحمة الله عليه il a une رسالة طيبة في هذا. قال الصيغ الأداء صيغ الأداء بالدال pas بالذال صيغ الأداء. قال للحديث تحمل وأداء. قال فالتحمل أخذ الحديث عن الغير. هذا c'est des مصطلح كذلك. Et le fait de prendre al-hadith, anil ghayr. Tu vas employer un mot. C'est ça, as-siyagh. C'est les formulations. Maintenant, tu dis haddathani. Tu dis sami'tu. Tu dis an. Tu dis akhbarani. Ça, c'est des mots qui montrent que tu as pris ce hadith d'une autre. Qala wal ada iblagh al hadith ila al ghayr. C'est le contraire. Ou l'inverse. Al ada. C'est toi qui informes un autre. Qala wal ada siyagh minha haddathani. لمن قرأ عليه الشيخ ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة هذا نكسبليكها هنا ودتايغها هنا لماذا؟ لأن سيدو بيور مصطلح celui qui veut approfondir هذا فكيل يتدي ان ليفر دو مصطلح قال رابعا العنعنه وهي روايه الحديث بلفظ عن ابي هريره رضي الله عنه عن الامام مالك عن فلان سي سا العنعنه لو فيت دو دير عن كذلك الان انا لو فيت دو دير ان النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان تو سا سي دي فورمولاسيون que tu trouveras dans les chaînes de transmission. قال وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. نعم المدلس سعن عنا لا accepté. Sauf si صرح بالسماع. مثلا يدي سمعت. فهنا سي accepté. Et on détaillera pas هذا كذلك التدليس. On avait détaillé والله الحمد dans l'explication de البيقومية. قال هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. نعم سأغزمي طيب et لا شك c'est pas suffisant pour celui qui veut comprendre علم المصطلح et parmi les meilleurs livres et les plus connus et les plus simples منظومة البيقونية c'est une منظومة فيها بركة كثيرة et elle est très très propagée et elle est facile à apprendre. Et alhamdoulilah, on l'avait apprise avec certains frères et on l'avait étudiée ensemble. Et on essaiera de la étudier une autre fois. Bitawfiqillahi azza wa jal wa naktafi bihada.